Riz sur le vif. Écoutez. Madame, je fais un sondage pour savoir ce que pensent les Français des hommes politiques et de la presse. D'une façon générale, avez-vous le sentiment que la presse va trop loin lorsqu'elle parle des hommes politiques? Bof. Moi, je ne fais pas de politique, je n'y comprends rien. Je n'ai pas d'avis et je n'ai pas le temps de m'intéresser à tout ça. Pourtant, ne pensez-vous pas que la politique nous concerne tous? Répétez. Madame, je fais un sondage pour savoir ce que pensent les Français des hommes politiques et de la presse. D'une façon générale, avez-vous le sentiment que la presse va trop loin lorsqu'elle parle des hommes politiques? Bof. Moi, je ne fais pas de politique, je n'y comprends rien. Je n'ai pas d'avis et je n'ai pas le temps de m'intéresser à tout ça. Pourtant, ne pensez-vous pas que la politique nous concerne tous? Écoutez. Alors, il faut se décider. On va au ciné ou pas? Moi, je suis tout à fait pour. Et toi? Je suis plutôt contre. Ce n'est pas marrant, on va toujours au ciné. Il faut changer un peu. Répétez. Alors, il faut se décider. On va au ciné ou pas? Moi, je suis tout à fait pour. Et toi? Je suis plutôt contre. Ce n'est pas marrant. On va toujours au ciné. Il faut changer un peu. Écoutez. Vous êtes allé à la conférence sur l'Occident face à la crise? Oui. C'était intéressant? Paul s'est beaucoup ennuyé. Je crois même qu'il a dû s'endormir. Pourtant, il y avait des idées valables. Répétez. Vous êtes allé à la conférence sur l'Occident face à la crise? Oui. C'était intéressant? Paul s'est beaucoup ennuyé. Je crois même qu'il a dû s'endormir. Pourtant, il y avait des idées valables.